pas la peine que je fasse un topo sur l'actualité, hein, sur les suicides à France Télécom et tout ça. Donc la conférence, donc, elle doit porter sur le management et essayer de définir un peu ce que c'est le management. Comme on a décidé cette réunion il n'y a pas très longtemps, ça s'est fait un peu dans l'urgence. On s'est dit qu'on pourrait faire un petit résumé d'un bouquin de Daniel Linhart, qui est une sociologue et qui travaille là-dessus, donc sur les nouvelles stratégies mises en œuvre par les entreprises. Le bouquin dont je parle s'appelle Travailler sans les autres. Donc voilà, je fais tout de suite le lien entre management et stratégie, même si je ne sais pas bien ce que c'est la stratégie, parce que je n'ai pas beaucoup lu d'ouvrages de stratégie. Pour moi, la stratégie, ce n'est pas une technique, en tout cas. Pour être un bon stratège, je pense qu'il faut maîtriser certaines techniques, parce qu'il y a toujours des présupposés matériels dans une stratégie, dans une guerre, etc. Il y en a même beaucoup. Mais il y a quelque chose qui relève d'autre chose que d'une technique, où on aurait vraiment toute la maîtrise sur un outil, parce qu'on aurait construit cet outil de A à Z. Il y a quelque chose d'aléatoire. Et précisément, c'est parce qu'il y a un élément humain dont le stratège doit tenir compte. Les troupes, le moral des troupes, comme on dit. Donc un élément psychologique. Et le management essaye aussi de tenir compte et de s'appuyer et de frapper vraiment à cet endroit-là. Justement à ce qui est le plus aléatoire, le plus spontané, ce qui est le plus friable et peut-être le plus dangereux pour l'entreprise et pour la société, c'est la psychologie des gens. C'est le fait qu'ils sont capables à un certain moment donné de refuser les valeurs de l'entreprise, de poser leurs propres valeurs, de refuser le travail qu'on leur donne, de l'orienter différemment, de lui donner un autre sens. Et ça peut être dangereux. Et le stratège qui est celui qui gère l'entreprise, qui est celui qui dirige l'entreprise, il doit jouer avec ça, il doit l'orienter de façon, comme on le dit tous, là, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table, pour augmenter la plus-value, pour augmenter le profit. Donc voilà, l'histoire, ça se noue entre l'homme, le travailleur, et le type qui l'emploie. Donc ça commence vraiment à partir du contrat de travail, qui est un contrat de confiance, comme tout contrat. Censément comme tout contrat. Le salarié contribue à la pérennité de son entreprise et en échange, l'entreprise, je vous lis un peu les notes, hein, le résumé, l'entreprise s'engage à lui fournir un emploi stable, voire même à assurer l'avenir des enfants, avec une grosse participation. Mais du coup, ça crée un décalage entre ce qui est écrit sur le papier et la réalité. Il y a un décalage entre le travail qui est prescrit et le travail qui est réel. Parce que, bien entendu, il y a une différence entre ce qui est demandé sur le papier et les aléas qu'on peut trouver sur une chaîne d'usine ou ailleurs. Donc les salariés, ils font souvent plus et mieux que ce qu'ils sont censés faire, si le travail doit être fait. Et ça, nous on le sait, anarcho-syndicalistes, c'est visible à certains moments, dans les moments de conflit, notamment dans les grèves du zèle. Si le salarié, il s'en tient strictement aux prescriptions et aux règlements, ce qu'il fait pendant les grèves du zèle, qu'il peut faire pendant les grèves du zèle, eh bien, l'entreprise, elle dysfonctionne. C'est donc qu'en temps habituel, le salarié, il fait preuve d'ingéniosité, c'est pas un con, il s'adapte aux situations, il s'implique pour obtenir un bon résultat. D'où la situation d'amertume, le sentiment d'injustice en cas de licenciement. Et j'ai donné tant de temps de ma vie à l'entreprise, et c'est pas le temps qui est forcément comptabilisé sur le papier ou qui est formalisé sur le papier. Il y a autre chose. Donc il y a une véritable implication naturelle du salarié dans son travail, de façon à remplir plusieurs objectifs. Des objectifs qui relèvent donc de la contrainte, parce qu'il faut sortir un certain taux de production, malgré l'organisation taylorienne qui peut être défaillante, parce qu'elle est conçue de façon abstraite et à l'écart de la réalité des ateliers. L'organisation taylorienne, je pense que tout le monde sait ce que c'est ici, mais on va rappeler rapidement. Bon, c'est la rationalisation optimale du processus de travail. Mais bien entendu, c'est fait à l'extérieur de l'endroit, du lieu où on travaille. C'est dans un autre lieu par des gens qui ne travaillent pas et qui essayent de faire, qui calquent ça sur un papier. C'est donc complètement dehors des réalités. On essaie de court-circuiter le plus possible la spontanéité du travailleur. C'est justement en ça que le management va constituer une révolution, parce qu'il va finalement émerger en s'opposant quelque part en s'opposant et en intégrant le modèle taylorien. Donc voilà, des objectifs de contrainte, la nécessité de trouver des astuces, des dispositifs, des agencements pour s'économiser, pour pas se fatiguer, qui participe aussi de la volonté de gagner du temps de façon à avoir des moments de loisirs supplémentaires, et de fait de discuter, de créer un lien social de façon à ce que le travail soit quand même humain avec les collègues. Et ce lien social se débouche sur l'accumulation collective d'un savoir, d'un savoir-faire, qui est mobilisé donc quelque part clandestinement, et qui peut servir de contre-pouvoir, le cas échéant, à la maîtrise, au supérieur hiérarchique. Et c'est ça qui fait vivre un esprit collectif sur le lieu de travail, et fonde une culture ouvrière, une culture syndicale, une culture politique. Donc ça crée finalement quelque part une forme d'équilibre. Une exploitation, c'est très critiquable, etc. Mais par rapport à ce qui va arriver après, le management, il y a quand même une forme d'équilibre, parce que l'ouvrier, il garde, ce que dit Daniel Linhart, donc sa subjectivité, qui d'un côté sert l'entreprise, c'est-à-dire sortir la production, moins de se fatiguer, savoir se détendre sur le travail, être plus en forme, et d'autre, lui permet de lutter contre l'entreprise quand elle prétend remettre en cause, attaquer cette subjectivité. L'entreprise traditionnelle, donc, elle fonctionne grâce à cette subjectivité tout en la réprouvant. Les règlements sont normalement là pour empêcher de trouver des astuces, de gagner du temps pour se détendre et d'accumuler un savoir-faire collectif, clandestin, subversif. Donc, le management moderniste, lui, il va se caractériser, au contraire, par la reconnaissance de cette subjectivité et la volonté, donc, de la canaliser, de l'utiliser dans le cadre d'un rapport social voulu plus consensuel. La subjectivité traduit traditionnellement les efforts que font en permanence les salariés pour contrebalancer la violence d'une organisation du travail pensée contre eux. Alors qu'avec le management moderne, la lutte, elle se déplace. Les entreprises ne contrecarrent plus la subjectivité, mais ils tentent de la contrôler, de l'intégrer, de la récupérer, pour la rendre productive et la détourner de son objectif traditionnel. Donc la stratégie mise en avant pour ce faire, c'est l'individualisation des salariés. Historiquement, c'est la réponse du patronat, ce que dit Daniel Linhart, à la mobilisation de mai 68, où on se rappelle de certains tags sur les murs, certaines inscriptions, perdre sa vie à la gagner, on ne veut pas perdre notre vie à la gagner, donc la revendication des ouvriers, avoir un travail moins dur, et à ce que leur personne soit réellement prise en compte, une certaine forme d'autonomie dans leur travail. Donc il s'agit pour la stratégie managériale de s'appuyer là-dessus pour affaiblir la classe ouvrière en l'atomisant, en l'individualisant. La crise et la croissance du chômage s'installant dans les années 70 et 80 vont renforcer cette individualisation avec une mise en concurrence systématique et mettre plus fortement en scène de façon à mettre plus fortement en scène l'implication personnelle de chacun. Donc avec les années 70, il y a toute une kyrielle de petites procédures, dispositifs qui arrivent, donc style les horaires variables, la polyvalence systématique, et l'individualisation des augmentations de salaire. Ces mesures qui ont pour effet de détruire la solidarité de classe des ouvriers. Parce que les différences de salaire sont mal vécues, les différences de statut d'emploi sont mal vécues. Tout ce qui renvoie en creux à l'inégalité des situations entre ouvriers. Comme le dit un ouvrier interviewé par Daniel Linhart, l'individualisation des salaires, nous on était contre en majorité. On voulait une partie identique pour tous et une petite partie individuelle. Ça n'a jamais été retenu. La personnalisation des salaires, ça ne marche pas. Ça crée déjà un manque de dynamique collective. Ça pousse les gens à être individualistes. Et en cela, ça marche très bien pour les entreprises. Les années 80, d'autres mises en place arrivent. La prestation de services en interne. Encore quelque chose. Le collègue devient le client et ou le fournisseur. Donc c'est une façon de casser la solidarité. Un ouvrier qui témoigne, certains considèrent le carnet de bord qu'ils doivent désormais remplir en tant que client et fournisseur de leurs collègues comme un véritable mouchard à l'égard des autres. Si vous ne faites pas votre rapport, si vous ne signalez pas les défauts sur les produits qui vous arrivent, c'est-à-dire les fautes des autres, vous risquez votre place. Ça fait partie de notre travail. Donc on est obligé de mettre les autres en cause et les collègues, ils deviennent des concurrents potentiels. Et enfin, l'entretien individuel avec le super hiérarchique, ou qui est le supérieur hiérarchique, qui explique au salarié que c'est à lui de fixer ses objectifs, qui seront quand même ensuite évalués au cours d'un second entretien individuel au bout d'un an. Voilà. Une façon soi-disant d'autonomiser, mais d'asservir. Enfin, les licenciements qui équivalent à une stratégie de la terreur. Créer une perte de travail, pour ceux qui partent, une perte de l'esprit collectif pour ceux qui restent. Qui témoigne, ça a cassé la solidarité. Quand on voyait passer l'ingénieur, on ne savait pas sur lequel ça allait tomber, lequel il allait choisir. On disait juste « ouf pour cette fois », mais ça a tout cassé. Le licencié, il ramassait ses affaires, il les fourrait dans un sac poubelle, il revenait pas sur la chaîne pour dire au revoir aux copains, etc. Il devait quitter l'usine FISA comme des malpropres, comme des chiens. Maintenant, on a l'impression qu'on va se piquer le travail l'un l'autre. C'est depuis le plan social, depuis qu'on parle de sureffectif. Ça, c'est toujours des entretiens. Enfin, il y a une partie sur laquelle le management va poser, une partie de la subjectivité donc, des ouvriers, c'est la parole. La parole, c'est un marqueur d'identité sociale. Il permet de transmettre les savoir-faire, comme on vient de l'évoquer, aux nouveaux venus, et de l'inclure dans un fonctionnement qui n'est pas strictement celui des règlements. Avec la modernisation, cette parole, elle a été récupérée par la hiérarchie, grâce à des groupes de parole contrôlés, quand elle n'a pas purement et simplement disparu à cause de l'intensification du travail, de l'éloignement des postes de travail, etc. La relation houleuse avec la hiérarchie n'était pas le fait de fortes têtes, mais d'une parole collective. Les systèmes de management américains, eux, pour court-circuiter tout ça, par exemple, ils utilisent le tutoiement. Tutoiement qui est censé gommer la matérialisation de la hiérarchie et mettre tout le monde, en dépit de la réalité, sur un pied d'égalité. C'est une négation de la lutte de classe et des classes elles-mêmes. L'entreprise est une grande famille dans laquelle tout le monde se tutoie et dans laquelle chacun est seul face au chef. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondé sur la négation de la lutte des classes. Je vais vous citer une parole d'un DRH, de je ne sais plus quelle entreprise. Chaque salarié doit s'investir comme s'il était actionnaire, propriétaire de son outil de production. Ça, c'est une négation totale de la lutte des classes. Donc, de fait, il y a une déstructuration de l'identité collective ouvrière, avec ses codes, ses valeurs, sa morale, inscrite dans un rapport de force, avec une conscience commune liée aux enjeux fondamentaux de la société, au profit d'un rapport qui va être, lui, plus individualisé, plus fragmenté, personnalisé, à l'entreprise et au travail, et qui l'éloigne, en fait, des autres, des collègues, mais aussi de la société, qui plonge chacun dans le vide de la confrontation permanente avec soi. Vraiment dans une espèce de solipsisme. Le salarié souffre de la perte de la dimension collective, de la conscience de classe, de la contestation de l'ordre établi, de l'entraide de classe. Donc le travail, c'est une contrainte, mais c'est également, ça vous l'avez bien compris, tout ce qui vient d'être dit, une activité qui implique profondément les individus, parce que c'est une activité sociale. Il est donc revêtu d'un sens. Et si ce sens est uniquement de se conformer aux exigences de rentabilité de l'entreprise, le salarié se sent hors de la société. Il n'a plus de prise avec un universel ou avec des universaux, tels que l'humanité, tels qu'une morale, etc. Je sais que dans le milieu, dans beaucoup de milieux d'ailleurs, on critique vachement la morale les valeurs morales. Moi-même, j'adore, il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Nietzsche, hein, c'est pas un grand anarcho-syndicaliste, mais je trouve qu'il a une critique de la morale qui est tout à fait intéressante. Pour autant, je trouve qu'on est vachement hyper critique avec la morale. Moi, il me semble qu'il y a des salopards, et il me semble qu'on doit dire que ce sont des salopards, il me semble que l'État et les capitalistes, ce sont des salopards, et il y a des gens qui, de fait, sont innocents. Et moi, ça me semble pas être une naïveté que de le dire. On a souvent tendance à remettre en cause ça. Et de fait, je pense que c'est aussi ce qui manque au mouvement social, quoi. C'est qu'il a peur, parce qu'il a peur de réintroduire une forme de manichéisme, etc., en voulant réinjecter des fondamentaux moraux. Alors qu'en cela, il se tire une balle dans le pied. Et on parle souvent, quand on critique la morale, on parle souvent d'éthique. Mais même ça, je trouve que c'est pas tout à fait... C'est une petite digression. Même ça, je trouve c'est très bien l'éthique, effectivement. Mais même par rapport à des enfants, quand tu es au contact d'enfants, tu peux pas lui parler d'éthique, parce que l'éthique, c'est déjà un cheminement intellectuel pour savoir ce que c'est une éthique. Alors tu parles de morale. Et effectivement, il s'agit de ça. quand t'es là de plein pied dans une situation comme ça, t'as un universel qui doit émerger, parce que c'est ancré en nous et c'est pas quelque chose fondamentalement mauvais, un code moral, des valeurs, comme ça. Et ça, c'est ce qui échappe complètement à ces ouvriers-là. Ils n'ont plus de prise avec des universaux de ce genre. Et donc, ils sont fragilisés. Donc, on peut leur porter tous les coups. Moi, il me semble que c'est une lecture qu'on peut faire. Donc voilà, ils n'ont plus de prise avec un universel tel que l'humanité, tel qu'une communauté. La recherche du collectif, elle peut être perçue comme une volonté de retrouver la dimension sociale du travail. Une relation collective qui, tout en se développant au sein de l'entreprise, échappe à sa seule rationalité économique et donc au type de relation qu'elle prescrit, est une façon de renouer le lien entre travail et société. Et un exemple, c'est des ouvrières, je crois, dans une entreprise qui fabrique des lunettes, qui doivent réceptionner des pièces toutes faites dans une entreprise fraîchement rachetée. Et elles ont une tâche pour l'après-midi, la fin de la semaine, c'est de changer la marque de fabrique, de changer une étiquette, etc. Et elles refusent de se transformer en commerciales, parce qu'elles disent être des commerciales, parce qu'elles, c'est des ouvrières. L'utilité sociale du travail disparaît puisqu'il ne s'agit plus de produire. La perte de l'utilité sociale de leur travail de production rend ce travail insupportable, parce qu'on leur demande finalement juste de faire ou de se d'œuvrer à une opération marketing. Et pour elles, c'est une perte de sens intolérable. Donc cette préoccupation d'une morale, ce sens d'une responsabilité vis-à-vis de la société, est toujours restée l'obsession des travailleurs et a donné lieu à d'importantes luttes sociales. C'est ce que l'on retrouve dans la critique à l'égard de l'automaintenance intégrée dans les machines. Ça donne le sentiment que la machine prime sur l'ouvrier, donc il ne peut plus la réparer, elle se répare toute seule, il ne peut plus la faire tomber en panne. Le premier résultat, c'est l'accélération du rythme du travail, et le sentiment que ce n'est pas la machine qui le sert lui, mais c'est lui qui sert la machine. Donc il est finalement au service d'un sens qui lui est complètement enlevé. L'ouvrier se servait d'une machine pour fabriquer des produits, à présent c'est la machine qui a besoin de l'ouvrier, elle a capté la dimension productive. L'ouvrier, il ne fait plus que surveiller une machine qui fabrique. Donc, en gros, tout ça, ça peut se résumer, cette faculté à créer de l'individualité par les stratégies managériales, c'est à promouvoir une forme d'adaptabilité, ce qu'on appelle maintenant sur le terme de flexibilité, d'adaptabilité infinie, qui signifie en fait que l'ouvrier doit faire face à des injonctions contradictoires de productivité. Productivité, bon, ça n'a pas changé par rapport au modèle taylorien, il faut sortir de la marchandise, et en même temps de qualité. Et de qualité parce que, voilà, à intégrer le fait qu'il est au service d'une mission, son entreprise, auquel il doit se donner à fond, etc. Machin, etc. Or, ce sont des idéaux qui sont contradictoires, et ça on le voit très bien au niveau de l'ouverture et de la privatisation des services publics, où effectivement il y a une forme d'injonction paradoxale, quoi. On leur demande d'être utile à la société, machin, tout le boulot qu'ils ont fait, etc. Mais en même temps, on les expose à des injonctions quant à la productivité maximale, etc. Enfin, donc, il y a une stratégie de la division qui participe à ce brouillage privé-public. Dans le privé, la précarité, l'incertitude, la mobilité, la disponibilité bafouent la vie privée du salarié. On lui demande de se sacrifier en exigeant de lui un niveau d'excellence absolu. Lorsque l'esprit collectif du public s'exprime, il est paradoxalement dénoncé comme une lutte ultra-corporatiste menée par des privilégiés se foutant bien de l'intérêt général. Le secteur privé, fondé sur l'individualisation et l'égoïsme, critique les luttes collectives comme étant individuelles et égoïstes. Le fonctionnaire engagé jusqu'à présent sa loyauté envers l'État en se portant garant du bon fonctionnement social. C'était la valeur éthique de son travail, d'être utile aux autres. Avec la privatisation et les réformes au sein du secteur public, les idéaux des fonctionnaires disparaissent. Le processus est visible dans la privatisation des services publics, par exemple à la Poste, le mécanisme de concurrence par le biais de reclassification. Il y a la création d'une nouvelle division hiérarchique entre les trieurs-indexeurs, par exemple, et les guichetiers. Par exemple, Perte du sens du travail, plus aucun souci de la qualité du service, illustré par l'embauche de contractuels dans le seul but de rogner sur les coûts, ce qui crée une division au niveau de différentes classes de salariés, entre des contractuels, intérimaires, etc. Individualisation du commissionnement, prime à la vente sur les produits de la poste. Et comme le dit un postier, à cause des ventes, maintenant c'est chacun pour soi, on a des objectifs, on doit servir le client très vite, vendre au maximum, et si les papiers sont mal remplis, tant pis. Dans la privatisation, les inquiétudes sont donc davantage focalisées sur la remise en cause de la finalité symbolique, éthique du travail, son sens, que sur l'avenir personnel. Bon, on pourrait citer plein d'autres exemples sur EDF, pareil, sur le fait que les agents ne se connaissent plus du coup, parce qu'on engage effectivement, on sous-traite, etc. Il y a une redéfinition des relations de travail avec une pénétration de la sphère marchande, des relations marchandes au cœur des relations de travail, les relations de travail qui deviennent des relations marchandes. Voilà, voilà. Donc il y aurait plein d'autres exemples sur les entreprises publiques. Bon, on peut passer pour arriver au débat, je pense, plus rapidement. Là où moi j'aimerais insister, c'est sur l'aspect moral et sur l'aspect éthique, parce que effectivement dans tout le service public, etc., on voit apparaître ce qui ne faisait pas avant, des espèces de chartes éthiques. Donc au moment où on évacue complètement le rôle social, le rôle l'utilité, ce qui faisait vraiment la foi, la mission de ces gens-là, etc., on leur impose quand même une charte éthique. On essaye de garder la coquille. Avec un truc, bien sûr, hyper contraignant. Donc, on voit disparaître l'aspect éthique de service public. Le privé pousse ses salariés, lui, à s'investir dans leur travail sur les bases de cette même morale. Ça fait partie de ce brouillage, de cette pénétration entre ce qui caractérise l'éthique du public et l'éthique du privé. Donc il y a un renversement de sens très spectaculaire. Alors que la logique du travail va dans le sens, la logique moderne, uniste du travail, va dans le sens d'une privatisation incessante de l'universel, des idéaux, etc. Ceux qui la combattent, donc, par exemple les employés de la poste, etc., ceux qui la combattent sont dénoncés comme la fuyant au nom d'intérêts purement égoïstes, au nom d'intérêts purement corporatistes. Je cite le rapport d'une antenne du MEDEF, la démocratie signifie l'accroissement irrésistible des demandes qui font pression sur les gouvernements, entraînent le déclin de l'autorité et rend les individus rétifs à la discipline et au sacrifice requis par l'intérêt commun. Ça, c'est un truc qui est balancé souvent en formation de management. L'intérêt commun, c'est ici une terminologie servant à masquer un intérêt particulier, celui des entreprises privées. Elles sont perçues comme participant à la santé économique du pays, et donc elles sont bienfaisantes pour la société, alors qu'en vérité, elles cherchent simplement à exploiter pour faire du profit. L'intérêt commun a été importé dans le cadre du privé, et l'on dénonce dans le cadre du service public les stratégies égoïstes des fonctionnaires frileux. Mais plus paradoxalement encore, tout se passe comme si cette tentative de transplantation de l'éthos du service public au sein des entreprises privées ne pouvait s'opérer sans une disqualification de ce même service public. C'est légitimé par l'esprit de compétition. L'entreprise privée, elle est en guerre contre ses concurrents. Le salarié, c'est un soldat dans cette guerre. Donc ça, je fais référence vraiment à toute, à ce qu'on appelle l'économie mondialisée, etc. Et finalement, avec ce qu'on disait au début, cette stratégie de management, bien entendu, elle peut s'imposer aussi que parce qu'elle est sur un contexte de chômage, de précarité, et finalement, où on entend maintenant nous le dire que le capitalisme est en crise perpétuellement. Et finalement, ça peut être mis en œuvre parce qu'on nous dit ça, que le capitalisme est en crise perpétuellement, que le chômage est là, etc. Elle ne pourrait pas être mise en œuvre aussi facilement sinon. Donc si le travailleur, le bon petit soldat, il représente un coût excédentaire à cause d'un travail trop lent, un vivier de nouveaux soldats est toujours à portée de main. C'est ce qu'on lui dit, c'est ce qu'on lui fait comprendre. La légitimation de telles pratiques réside dans le fait de considérer l'entreprise comme une entité créatrice d'emplois et constamment menacée de disparition. La partie sociale de l'entreprise n'est plus tant ce qu'elle produit, mais ce qu'elle constitue comme réservoir d'emploi dans une société qui est tout le temps menacée, qui est tout le temps étouffée par la pression du chômage. Ce que l'entreprise fait souffrir à ses salariés, elle le souffre elle-même. C'est dans ce cadre que l'entreprise revendique de la part de ses salariés une adhésion totale et postule la convergence d'intérêts. Donc le salarié du privé, il n'est pas jaloux des conditions de, forcément jaloux des conditions du travail dans le public, mais il déteste l'association entre fonctionnariat et service public, et entre un travail et le bon fonctionnement de la société dans son ensemble. Que des professeurs, ça c'est une citation, un entretien, que des professeurs refusent une augmentation de leur charge de travail, un allongement de leurs horaires au nom de la qualité de leur enseignement et pour les élèves, donc c'est à partir d'un entretien, est perçu comme une revendication corporatiste, inadmissible pour les salariés du privé, prise au piège de la modernisation. Les salariés du privé qui subissent la pression de la mondialisation ne pensent plus en termes de société, mais en termes de concurrence internationale. On pourrait dire, en forçant le trait, que l'entreprise, dans la globalisation, elle tend à couper le lien symbolique, le lien identitaire, entre les salariés et leur société, pour ne leur imposer qu'un seul lien, celui qui les lie à elles-mêmes, à cette entreprise, dans le cadre d'une relation qui est souvent incertaine, qui est toujours précaire. Et par conséquent, elle demande systématiquement un dépassement individuel constant. Donc le salarié du privé ne pense plus à la société comme un réseau d'interdépendance et de solidarité, mais c'est toujours l'expression d'une, la manifestation d'une concurrence. Le fonctionnaire, lui, celui qui refuse de s'engager dans cette guerre, non parce qu'il y verrait un risque d'accroissement des inégalités et de perte d'idéaux, on va dire, républicains, mais par simple égoïsme, selon le salarié du privé. Comme dans toute guerre, la délation pour déloyauté est incitée. Donc je parlais des chartes éthiques tout à l'heure. Donc il y a l'existence de chartes internes aux entreprises depuis les années 80, où qui mêlent donc le bien-être des hommes, l'intérêt général, le bien commun et les règles coercitives. On voit une multiplication de formes de contrôle pouvant aller jusqu'à l'incitation à la délation, avec une garantie de la part des entreprises de l'anonymat du salarié délateur. Donc le salarié du privé, il offre sa loyauté à une entreprise en s'engageant à participer à son implantation sur le marché international et à sa croissance. L'idéal offert aux salariés auxquels on a ôté la culture de classe collective tourne autour de la recherche de l'excellence, du coup, vu qu'il n'a plus la classe collective comme objectivation de sens, tourne autour de la recherche de l'excellence, de l'accomplissement de soi à travers l'engagement total dans le travail, la loyauté totale envers son entreprise, la disponibilité totale et la flexibilité. Pour les salariés du privé, il faut désormais se dévouer, se donner, s'identifier, comme les agents du service public, à la cause de leur entreprise, mais toutefois avec deux différences de poids. La première, c'est qu'ils ont à le faire au profit d'objectifs auxquels ils n'adhèrent pas nécessairement, des objectifs purement mercantiles, qui ne comportent que rarement des dimensions, comme dit Linhart, universalistes. Et la deuxième, c'est qu'ils doivent accepter une éventuelle dimension éphémère de cet engagement total, parce que les entreprises du secteur privé, ben, elles n'entendent pas se lier par des engagements de longue durée avec ces travailleurs corvéables à merci et surtout jetables. Donc, l'objectif en conclusion, donc c'était un résumé à coup de machette dans le livre. En conclusion, l'objectif de cette stratégie, c'est renforcer l'implication individuelle au travail et diminuer la coopération, on va dire, horizontale, à la base, réelle, c'est-à-dire la cohésion des groupes de travail, des collectifs de travail. Les salariés coopèrent sans se connaître, sans communiquer, sans échanger sur leurs objectifs ou le sens de leur action. Le résultat, c'est que le salarié se trouve seul face à la société et au sens de son travail. L'esprit collectif donnait une identité de classe et un sens au travail. L'individualisation, elle fait perdre cette identité et elle lui substitue une forme de loyauté, sous un modèle, on pourrait clairement dire, féodal, à sa classe, c'est-à-dire à ses collègues de travail, par la loyauté à l'entreprise. Le sens du travail, c'est ça, c'est cette loyauté totale. Et la santé économique de l'entreprise, elle va dépendre de cette loyauté et de l'asservissement subjectif et psychologique des individus. Donc le risque, c'est que l'individu peut perdre tout esprit collectif et opérer soit une réorientation narcissique au service d'intérêts économiques qui s'affichent comme privés. Et ici, le salarié attend une reconnaissance de ses qualités personnelles par l'entreprise. Ou bien de basculer dans un désinvestissement personnel, un sentiment de perte de sens, donc une souffrance et qui peut mener, le cas échéant, à l'extrême, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire au suicide. Donc dans ces deux cas, le travail, il perd sa valeur sociale. le travail est complètement annihilé en tant que travail. Si le salarié il investit son ego dans l'idéologie entrepreneuriale, il verra le client comme une cible commerciale permettant de montrer sa force, alors que le collègue, lui, sera systématiquement un concurrent ou un obstacle. Le salarié, qu'il s'en sorte cyniquement ou en déprimant, perd toute relation altruiste à la société. Et donc, il y a une perte morale du sens du travail, et quelque part, à long terme, une menace de fissure pour la société, parce qu'elle est attaquée dans ce qui la fonde. C'est ne serait-ce qu'une simple perception d'une universalité de la société, des rapports entre les gens, de l'intersubjectivité, de rapports altruistes. Donc, comme on parlait de Castoriadis souvent, voilà, il y a en même temps des individualités, une fragmentation de la société, une individualisation croissante, constante de la société, un émiettement, un morcellement, et en même temps, avec cette espèce de prise en charge narcissique par le salarié, une espèce d'homogénéisation de l'imaginaire social. L'imaginaire social tend à être complètement nivelé. Je parle de réorientation narcissique, mais donc on a dit que ça pouvait aussi arriver à une espèce de nihilisme. Effectivement, c'est la réorientation narcissique, c'est comme ils disent les psychologues, dans le cas où il y a résilience, où l'individu arrive malgré tout à rebondir, à montrer qu'il va être un loup pour les autres et arriver à les bouffer. Voilà ce qu'on pouvait tirer du bouquin de Daniel Linhart, donc, qui est pas du tout révolutionnaire dans son approche des choses, qui est plutôt républicaine. Je me suis appesanti surtout sur les conditions de travail des salariés privés, parce que c'est ce qui attend quand même le public, grosso modo. Je ne me suis pas appesanti sur la transformation graduelle des conditions de travail public, sinon ça serait trop long. Voilà.